Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612 341 0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis Saint-Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Freddy. Comment ça va? Ça va et toi? Ben, ça va. Like a Tuesday. Yeah. Yeah. Whatever that means. That means it's not far enough in the week. Yeah, but it's the day, the night before Hump Day. Yeah, that's true. So, yeah, there's some good things to say about it. And we're here in the studio, and that's... Yeah, I like that. That's pretty cool. There's worse things. Yes. I didn't get caught under like the big, big storms lately, whether it was Sunday morning or whether it was Friday. Not Friday, like Monday at 4 o'clock or something like that. I was already home. So I'm glad I missed those. So, yeah. See? Yeah, everything's good. Yeah. And last week we had Len Rosenthal from Paris Off Script. So if you missed the show, you can always go back to kfai.org. Mm-hmm. And you can go either in the archive or you can go to the program, Bonjour Minnesota, and then you'll have the past 2 weeks. And if not, you can go to bonjourminnesota.com and you have links toward Mixcloud or archive.org. Mm-hmm. And I just contacted archive.org for French influences, and they added a collection. If you want to do a collection, you have to ask them to set them up. Once you put the shows after that, you can set them up. You can add them or not. Yeah. But like for Bonjour Minnesota, I had done that like a while back, but I had never done it for French influences. Yeah. And the advantage also is they are associated to the collections of Archive Radio, KFAI Archives, that sort of thing. So if you look at the collection KFAI Archives, you see some show like Bonjour Minnesota and French Influences and others. Cool. So yeah. All right. So what's new today? Or what's the theme? Well, I thought doing summer would be... I think it's pretty appropriate. Yeah. Mm-hmm. Would be appropriate, and maybe next week we'll do vacations, or maybe another time. Mm-hmm. The week after that is going to be my birthday, so I think I'm going to, on the 6th, I'm going to do my playlist. Mm-hmm. And I won't be on the show that night. Oh, darn it. Yeah. And I did it on purpose. I bet. Mm-mm. I bet you did. And you won't even be there on the 8th, because the 6th actually is the show before. I know. Well, the 8th, I'll be back. Mm. Yeah, on the 8th. I'm taking the kids to... out for a restaurant. Yeah. So, but so tonight is about summer, and we're going to listen to a lot of different songs. The first one we're going to listen to is from Eric John Kaiser. Oh, yeah. Who's a Parisian based in Portland for the past 15, 20 years, something like that. And the name of the song is An Eternel Été, an eternal summer. And it's about like a summer that's eternal. Yes. My gosh, what an insight. You're good. I know. You're really good. Years of practice. Yes. But it's also a lot about climate change. Mm-hmm. And on this video, he's showing people like fighting for water and stuff like that. So that's a pretty cool song. And it's from 2016. Then we're going to listen to the great classic that we have to listen each year about summer. It's Les Négresses Vertes with Voilà l'été. Mm-hmm. Here Comes Summer. Right. Very uplifting, enthusiastic, and make you jump or dance. I mean, you do what or you both. Want. I mean, like, it's radio, so you do what you want. And plus, if you're listening to the radio... Well, except if you're driving, like, jumping is not recommended. No jumping while driving. And then Billy Zocchi, qui est les gamins en folie, with Voici l'été. Here Comes Summer. Très bien. All right, on y va. Sounds good. C'est parti, mon petit kiki. Pourquoi petit? Je sais pas. Je suis pas branché. So there's just a little technical issue. The sound is not coming through the board. But it will be fixed within a few seconds. Here you go. See? Well, this was an easy fix. Mm. Yeah, when you plug things, it works much better. It works better. Les filles sont belles, les dieux l'argent. Le tout Paris se transforme en phobie. Le métro, c'est tout devient purulent. Dans ses souliers, le passager abruti. À l'idoité qui s'exprime violemment. Il y a plus de 1000, les voisins sont partis. L'été Paris, c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. Toujours l'été, c'est pas du superflu. Il fait trop chaud, le soleil m'a pas ourdi. Riez sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui seront chiés dans le midi. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aiguille. Défends-toi, petit. D'abord, sois très souple, décontracté. Ensuite, balance-toi, balance-toi. C'est ça. Et fais un terrible grognement. J'envoie la frontière. Et voilà, we are back. Indeed. And you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI. Yes. Every Tuesday night from 8 to 10. P.M. Central. Yes, thank you. You're welcome. Hmm? Just in case people are in a different state. Maybe they're in a good state of mind, or if they aren't, maybe the music is going to help. Mm-hmm. Who knows? Not the news. It depends. No. No. No. No. Okay. Not the news. We just listened to three songs, and the theme is summer. The first one was Eric John Kaiser, a French in Portland, and check him out. He's pretty cool. And it's An Eternalité. And then Les Négresses Vertes with Voilà l'été. And then Billy the Kick et les Gamins en Folie with Voilà l'été. And according to what I read, they did it like about 2 years apart. Mm-hmm. Because Les Négresses Vertes seems to be like 1988 from là, and Billy the Kick, he was 1990, so mm-hmm. Yeah. Cool. Well, we're going to keep on listening to music. Mm-hmm. So what's next? We have a band called Nous Non Plus. I have no idea where they're coming from. I think I got Nous, moi non plus. I got it from the library. like a long time ago, yeah. from the Hennepin County Library, mm-hmm. and that seemed interesting. And the song we're going to listen to is Yeah Yeah, C'est l'été. Moi non plus. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Nous non plus. Mm-hmm. And then we're going to listen to David Charles and Mike Roger with C'est parti pour la grillade. Mm-hmm. Let's go for the barbecue. And mm-hmm. it's a parody of a song that already exists. Like, I think it was a Latino song. Oh, yeah? But, yeah. The lyrics are funny. And then, less funny, but still nice, we're going to listen to Mort Schumann. Mort like Mortimer, mm-hmm. not yeah. like he's dead. Mm-hmm. But he's dead, yeah. too. But L'été de porcelaine? Yes. Oh, merci. And with L'Hôtel de la Plage. Yeah. But that song is, that's really in my top 10. All right. And I say that a lot, but that one is really in my Well, if you say that more than 10 times for 10 different songs, that won't be as accurate. But and Mort Schumann was American. Yeah. But he... Brooklyn. He was born in Brooklyn. And he lived in France for a very long time. And before... being in France and becoming, you know, and singing his own songs. He actually wrote songs for others, including Elvis. Oh. Like Viva Las Vegas. Okay. That's Mort Schumann. Ah, I didn't know that. Yeah. So that's pretty my cool. job. I'm here to teach you things that... Yeah. Yeah. So... Yeah. I mean, you, not just you. You, the erudite, I'm the genius. C'est ça. Playing the part of the genius is really mine, but all right, let's go then. Ben, c'est parti. Bientôt l'été, le soleil et les vacances. Fini l'école, bien on s'en balance. Si jeune et beau, on a vraiment de la chance. On fait ce qui nous plaît, yeah, yeah. Viens avec moi, on va chercher les copains. 18 billets pour le premier train. Tous en couchette, direction Jean Lépin. Et vive la liberté. Yeah, yeah, yeah, yeah, on y va. Yeah, yeah, on est tous là. Yeah, yeah, c'est parti. Allons la belle vie. Les coquillages nous chanteront leur chanson. Et l'eau salée restera sur notre peau, la marque de l'été. Yeah, yeah, yeah, yeah, on y va. Yeah, yeah, on est tous là. Yeah, yeah, c'est parti. Allons la belle vie. Yeah, yeah, on y va. Yeah, yeah, on est tous là. Yeah, yeah, c'est parti. Allons la belle vie. Première fois qu'on s'est aimé, c'était un soir ensoleillé. Je ne savais pas qui tu étais. Te reverrai-je? Qui le sait? Un prochain été. Cette odeur qui nous fait monter la salive. Et j'appelle tous mes se faire une grillade. C'est parti pour la grillade. On va se faire une grillade. On va se faire une grillade. C'est parti pour la grillade. Je sais ce que tu veux manger, ma babe. Qu'est-ce que tu dirais d'une bonne cuisse de poulet? Et l'entrecôte, je te la mets de côté. Au cas où tu aurais encore la dalle. Ba ba ba ba baila, tracata, tracata. Prends la bouteille au frais, juste là, juste là. Les merguez ont cramé, il y a plein de fumée. Faut juste les gratter. Fait chaud devant la grillade. C'est parti pour la grillade. On va se faire une grillade. C'est parti pour la grillade. On va se faire une grillade. Promis, on se fait une grillade. Ba ba ba ba baila, tracata, tracata. Prends la bouteille au frais, juste là, juste là. Les merguez ont cramé, il y a plein de fumée. Faut juste les gratter. Fait chaud devant la grillade. La chipolata, aile de poulet. Nickel, nickel, nickel. Faut pas que ça reste là. Hey, tu veux pas une autre côte? Juste une binge. Ronflando. Après toi, sans que ne reviennent, le goût que tu leur donnes. The program is supported by Hennepin Health, your community health care plan. If you live in Hennepin County and you're eligible for medical assistance or medical care, Hennepin Health is here to help with coverage for medical, dental, and mental health care. Additional offers include gym benefits, rewards for visiting the doctor, and easy access to other services you may need. Learn more at hennepinhealth.org. Et voilà, voilà. Voilà, we're back. Indeed. And we just listened to three more songs about summer. Yes, we did that. So the last one was Un été de porcelaine by Mort Schumann. Yeah, a porcelain summer. Yeah. And it was a soundtrack. But the first one was Nous non plus. With Yé Yé, C'est l'été. And then David Charles McRoger with C'est parti pour la grillade. C'est une parodie de Nicky Jam. Mm-hmm. And Mort Schumann with Un été de porcelaine, which is the soundtrack of L'Hôtel de la plage. Which 1978. I haven't seen it. Mm. If I find it, I know I have it somewhere. Yeah. If I find it, I will have like a viewing party. Okay. Let's do that. Mm-hmm. And we're going to keep on going because it's a special summer. So I hope we can put some sun in your radio. Oh, mm-hmm. Or in your phones. On your lives, on your phones. I was like very pragmatic, you know, talking about like stuff. Yeah. I'm more like a poet. We're going to bring sun in your lives and in your hearts. I didn't see him smoke anything. No? Illegal. No, that's the way I am. Yeah. Yeah. Naturally. There was a movie like that with Dupontel. Like he was buying, he was with someone and he was buying drugs. He was not really buying. He was with the other guy who wanted to buy drugs. Mm-hmm. And he said like, what you got for me for drugs? And he said like, I don't know, what kind of trip you want? And he's like, well, when I sleep, I already make this trip and this trip. And you don't need anything. You're good. All right, so the next three songs, we're going to have Alex Capranos, which I don't know at all, but he did a duet with Clara Luciani, mm-hmm. which we know better, and it's called Summer Wine. So it's half in French, mm-hmm. half in English. It's a very light and nice song. Rosé, mm-hmm. for the wine. And we're going to send to Tété with Summertime Blues from his album Faute Antique. And then Stromae with Summertime. Mm-hmm. On y va? Eh bien, c'est parti. Vas-y.

vraiment mon ami. Oh, et puis en fait, non, j'ai déjà changé d'avis, mais pas de condition. Je n'ai qu'un principe, quand le réel t'annule. Esprit critique, puissance du recul, c'est ma pilule anti-summertime blues. Ma pilule anti-summertime blues. Ça se porte près du corps comme un slim fit moulé. Si t'aimes pas mon style, prends juste une goulée. Côté anti-sum, sum, sum, sum, summertime blues. C'est mon côté anti-sum, sum, sum, sum, summertime blues. Contemple un type ordinaire, je donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne. Rien ne change quand la misère me sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne. Hey! Cet air qui colle au corps comme un slim fut moulé. Si t'aimes pas mon style, prends juste une goulée. Côté anti-sum, sum, sum, sum, summertime blues. C'est mon côté anti-sum, sum, sum, sum, summertime blues. J'avais écrit un truc extra, genre chanteur qui s'inclut. Mais bon là je le sens pas, alors je vous laisse là-dessus. Je n'ai qu'un principe, quand le réel s'annule. Esprit critique, puissance du recul. C'est ma pilule anti-sum, sum, sum, sum, sum, sum, summertime blues. Ma pilule anti-sum, sum, sum, sum, summertime blues. Ça se porte près du corps comme un slim fit moulé. Si t'aimes pas mon style, prends juste une goulée. Côté anti-sum, sum, sum, sum, summertime blues. C'est mon côté anti-sum, sum, sum, sum, summertime blues. Côté anti-sum, sum, sum, sum, summertime blues. Ooh yeah, summertime blues. J'y suis, j'ai dû me lever tôt pour être ébloui et mon cancer de la peau. J'ai bossé dur pour me le payer et là je suis car il faut en profiter. Et j'espère que je ne serai pas déçu, non, car ça me stresse que quelque chose vienne gâcher mon summertime. J'espère que je ne serai pas déçu, non, car ça me stresse que quelque chose vienne gâcher mon summertime. J'espère que je ne serai pas déçu, non, car ça me stresse que quelque chose vienne gâcher mon summertime. Summertime. KFAI is proud to present Lambrini Girls at the Turf Club on Sunday, July 28th. With inspirations drawn from gutter punk to noise rock, not only do Lambrini Girls plan on setting your bin on fire, they want to create spaces at shows for anyone who feels like there isn't a place for them there already. Opening the show are local acts Spit Takes and Surly Girly. Tickets for Lambrini Girls can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. Oh, et voilà, we are back. Voilà. Indeed. On KFAI Radio with Bonjour Minnesota, like every Tuesday night. Yes. With Freddy. And Romain. And we just listened to three more songs. Yeah, so the first one was Alex Capranos and Clara Luciani, a nice duo with Summer Wine. Mm-hmm. Or Le Vin d'été. Then Tété with Summertime Blues. And Stromae with Summertime. Très bien, très bonne sélection. And it's about summer. Yes. But l'été is summer. Mm-hmm. And we're going to keep on going. Ah ben oui. At 9 o'clock, we'll talk a little bit about the events coming up. There's quite a few. Yes. Like the Olympics and, you know, book clubs and stuff like that. We're going to listen to Raphaël Guattari with Canicule. And then Addict with Amour d'été. Mm-hmm. And then Lily March with Amour d'été. Ah, bien. Same song. Same title. Title, yep. All right, on y va? Eh bien, c'est parti. Il faisait chaud, c'était la canicule. Canette d'Oasis tropicale sous l'abribus. Toi et moi, chérie, ce n'était pas si nul. Mais j'ai gardé toutes mes mauvaises habitudes. Je tue le temps sans schéma précis. Joint dans le bec, l'état d'esprit est léger. J'ai mon équipe, j'ai mon paquet de camel et ça me suffit. J'écris des textes et je bois mon verre. Je pars en showcase et je récite demi de 16, bédo de verre. Ça c'est mon putain de régime, insolent comme à l'école. Lèche le collant de la feuille, tire deux, trois tafles et ça décolle. Demain on aura oublié la veille. J'avais des rêves avant, mais tout s'évapore. Je ne sais pas comment inverser la vapeur. J'avais des rêves avant, mais tout s'évapore. Je ne sais pas comment inverser la vapeur. Il faisait chaud, c'était la canicule. Canette d'Oasis tropicale sous la brise. Dans toi et moi, chérie, ce n'était pas si nul. Mais j'ai gardé toutes mes mauvaises habitudes. 37 degrés dehors, depuis midi, je déambule. J'ai le téléphone sur moi après minuit, je réponds plus. D'ici je vois les gens et le temps passe. Et posé au débit de boisson, je me sens béni, c'est momentané. Je suis du père de toutes les façons. Toujours la clope au bec, un bec à pilon. Gamin problématique depuis l'école élémentaire, ouais. J'ai l'air fort en mathématiques que quand il faut compter l'oseille, boy. Tu sais que c'est mort, y'a rien qui va tomber du ciel. Non, non, non, non. J'avais des rêves avant, mais tout s'évapore. Je ne sais pas comment inverser la vapeur. J'avais des rêves avant, mais pour l'instant ça va. Je bois mon féca sous le soleil, billet froissé dans la poche. Il faisait chaud, c'était la canicule. Canette d'Oasis tropicale sous l'abribus. Toi et moi, chérie, ce n'était pas si nul. Mais j'ai gardé toutes mes mauvaises habitudes. Il faisait chaud, c'était la canicule. Canette d'Oasis tropicale sous l'abribus. Toi et moi, chérie, ce n'était pas si nul. Mais j'ai gardé toutes mes mauvaises habitudes. Mon appris par cœur les courbes, les lignes de ton dos. Attendu pendant des heures, qu'enfin tu daignes dire un mot. Ton regard perdu vers la mer, ton dédain, ta nonchalance. Je t'ai tant traduit de travers, j'ai tué mon cœur d'adolescente. Je m'entraînais souvent le soir à refaire des postures de star pour que sur la plage tu me vois, que tu ne remarques plus que moi. Et j'ai scruté ma boîte à lettres dans le cas où un jour peut-être je recevrai une déclaration, mais aucune manifestation. L'amour d'été s'est transformé en amour de vacances trop rance. L'amour de plage fait des ravages, et vouloir plus c'est un mirage. L'amour d'été s'est transformé en amour de vacances trop rance. L'amour de plage fait des ravages, vouloir plus c'est un mirage. Tu fus mon premier je t'aime, les pieds dans l'eau, la bouche pleine, le cœur trop lourd. J'ai 14 ans, la marée monte et puis descend, le temps a glissé sur le sable, et mon amour de devenir peu à peu amitié aimable. L'amour d'été s'est transformé, l'amour de plage si volage, un jour a cessé de briser mon plexus, mon œsophage. L'amour d'été s'est transformé, l'amour de plage si volage, un jour a cessé de briser mon plexus, mon œsophage. Et voilà, we are back. I thought there was another song. So. No, that was the third one, mm-hmm. I think. So yes, we are back. Yes, we listened to Raphaël Guattari with Canicule. Mm-hmm. Then after that, it was the band Addict with Amour d'été. And just now was Lily Marsh with Amour d'été. Very and cool. It's you're still listening to Bonjour Minnesota on KFI Radio. Mm-hmm. We have now a new website because I put money out of my pocket. I bite the bullet. Mm-hmm. And so check it out. It's at bonjourminnesota.com. And you got all the not all the shows are listed, but you get a link to archive.org mm-hmm. where all the shows are located. Right now I put the shows as they go, but I just started in for May. Mm-hmm. You know, I don't know if I'm going to do a tile for each of the shows because it's a lot. Mm-hmm. Yeah, it's until 2012, and mm-hmm. There's 52 shows per year on average, mm-hmm. maybe like 50. Yeah, so 12 times 50. Mm-hmm. That's a lot. Yeah, that's 500, 600, something. 600. Like that. Yeah. So we're going to keep on listening to music. Ben oui. We are going to listen to Charlie Bell, which just started. Mm-hmm. With Avant la fin de l'été, before the end of the summer. Oui. A lot of things that she has on her bucket list. Mm-hmm. wink, wink at Lane. Then Ezequiel Paez with Eternel été, an eternal summer. Mm-hmm. And Dionysos with Chanson d'été. Très bien. Summer song. On y va? Ben c'est parti. Thank you.

et chansons d'été. Et voilà, we are back again. Indeed. It is 9:07 and you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI for almost another hour. Yes, yes. And this is a special summer. Yeah, and we're live from Studio 4. Mm-hmm. With Romain. And Freddie. Yes, indeed. So we listened to three songs. The first one was from Charlie Bell with Avant la fin de l'été, which is kind of easy to remember. Because she repeats it like 80 times. Yeah, I don't know how many times she can repeat it in a minute, but she does it. She's up for the challenge. And Ezequiel Paez with Eternalité. And just now was Dionysos with Chanson d'été. And Dionysos, I discovered him like more recently, like maybe like 2 to 4 years ago. Mm-hmm. I really like him. Yeah? Yeah. I like his girlfriend or wife or whatever too. But who's that? I don't remember her name. I'll find it. Okay. But she's singing on that song. Mm-hmm. But she also has her own albums. You're looking it up? Yeah. I think she, Rodriguez, I think she's Spanish. I mean, she's French, but like she had Spaniard grandparents or something like that. Mm-hmm. Okay. Did you find it or not? You're not looking? Well, yeah, I have Dionysos. But I'm looking for his, how can I know who... Well, on Wikipedia, if you're on Wikipedia, on the right side, often they say who they're married to. And There's a... Okay. Vie privée. Uh-huh. Olivia Ruiz. Olivia Ruiz. Oh, yeah. Ah, Luis. Yeah. Luis Rodriguez. C'est pas très loin. Yeah, well, that's a little, Of a stretch? Mm. Yeah. Okay, it is. Yeah, I like Olivia Ruiz. All right. So we're going to keep on listening to songs. Mm-hmm. We're going to listen to Mademoiselle K. Ah oui? With Ça sent l'été, It smells like summer. True. Then Noir Désir with La chaleur, The heat. Oh. Very intense. Mm-hmm. And then Corinne with Il fait chaud. Ah, c'est vrai. Very sensual and sexy. Mm-hmm. All right, on y va. Ben c'est parti. Fait chaud. Ça sent l'été. Le cap est ce que j'ai raté. Plein de petits trucs comme ça. Des petits chocs et de la maman. Maintenant je remets tout ça. Le vent plein de glace et de chocolat. Faut bien un peu se consoler. Même si j'ai un peu la nausée. Très bien de face de blette. Pire, je pourrais vous jeter par la fenêtre. Tous ceux qui n'ont pas voulu que je réussisse, je préviens, je vais compter jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a beau faire des menaces, s'étouffer en bouffant des glaces, se suicider en se faisant exploser le ventre à bord de quatre chocolats. Comme ça, des petits chèques dans ma soie. La vie, c'est plein de trucs comme ça. Des petits chèques dans ma soie. Et quand c'est plein de trucs comme ça, on se casse très bien loin de tout ça. Ah, si j'étais aux États-Unis, je pourrais m'acheter un gros fusil. Bouffeur de glace qui nous peint concours en avion, une casse d'anglais en qu'on le permet, il avait un rencard qui était super important. C'est le soir, le vent se lève. Dans les rues, à l'eau, la poussière vole. C'est là où vont danser ce que la chaleur ne peut laisser. C'est un endroit où on voit courir dans les veines cette chaleur. Et Marie aiguise son regard. Fais la main sur la lame. Attention à la blessure, madame. Oh, mais on ne sent pas la douleur. Sinon, dans les cœurs, cette chaleur. Ce démon dans son sang à elle qui a rongé lentement ses ailes. C'est dans le ventre là. Marie sait ce qui arrivera. C'est pour crever le corps de ce fils de pute si blanc pendant qu'il en est encore temps. Je trempe un pied, Les vagues lentement caressent la fine peau de mes poignets, abîmée par la sécheresse. Il fait chaud. Sur le rivage, nageur sauveteur en pleine action. La foule se lève sur la plage. Fausse alerte, circuler, c'est bon. Réconfort, glace vanille fraise. Biscuit qui croque entre mes dents. Petite fraîcheur à trois françaises. Je m'allonge, je me détends. We're back. Indeed. And we just listened to three more songs about summer. Exactly. What were they? And Chaleur. Well, the first one was Mademoiselle K with Ça sent l'été, Smells Like Summer, which is probably better than a metro smell. Noir Désir with La Chaleur. Especially in the summer. Yeah, especially in the summer. La Chaleur, the heat. And Corinne with Il fait chaud, it is hot. And yeah, and we're going to keep on going, but we're going to talk a little bit about the events. So for the upcoming week, we have three events coming up. And those events are always like they're on our Facebook page. Mm-hmm. So if you go to the Facebook page of Bonjour Minnesota, you can go to the events and see what's coming up and have more specifics. On Thursday at 6 p.m., there's the exhibition opening of the Art of Three-Dimensional Tapestry. And it's by Eddie Silka. And it's at the Alliance Française itself, 227 Colfax Avenue North. And if you want more specific or RSVP, you can go to afmsp.org. You know, they say I travel with them to Peru, where the master weaver, Eddie Silka, one of the best exponent of the Peruvian contemporary weavings, come from. And let yourself be amazed by his stunning three-dimensional tapestries that seem to stand away from the wall. After the opening night on Thursdays, July 25th at 6 p.m., the exhibition will be open to visitors Monday through Thursday, 9 to 7, and Fridays and Saturday, 9 to 4. Mm-hmm. I mean, basically when the Alliance Française is open. Of course. And it's gonna upstairs. Be, if you want to go, it's upstairs in the Valor Gallery. And it's going to be until August 24th. So plenty of time to go. But if you go at the opening, you can talk to the artist. And that's very nice. That's what's nice. All right. The other event coming up is the Paris Olympic opening ceremony party. And it's going to be located at the Minneapolis Cider Company. And they're located at 701 Southeast 9th Street in Minneapolis, Minnesota. And they're the one organizing along with the Alliance Française. So Friday, the 26th at 1 p.m. I have to work, so I'm going to skip. I think I'll go. Yeah. My mom and my brother and his kids are going to be like front row. Nice. I mean front row. Yeah. They should have like good seats. So that should be nice. And it's cool for them. It's, you know, once in a lifetime type of thing. Yeah, especially for the kids. I mean, the youngest is 7, so I don't know that. You'll remember a whole lot, but his oldest is 17, so he'll remember. And then on Friday, there's going to be Cine Club, Youssef Salem, A Du Succès. And it's also at the Alliance Française, so 227 Cofax Avenue North, in Minneapolis, Minnesota. You can get more specifics at afmsp.org, and it's about the French, the movies in French with subtitles. Mm-hmm. And donations are always appreciated. And I think that's about it. We were talking about our website, bonjourminnesota.com. So if you want to see a link with a previous week's mm-hmm. show, I mean, like tomorrow, I'll put tonight's show. Yeah. And you'll have a link toward like archive.org. And there's also some other links, you know, for the resources and the episodes and how to contact us if you want to give mm-hmm. us money because we're a nonprofit and listener supported. Of course. So let's listen to more songs. Oui. We still have like a little bit of time. Yeah. We're going to listen to what I would call a classic because I was born in the 80s and that's... You were? I was born in the 70s. Okay. Like early 70s, but I grew up in the 80s, okay. during the 80s, where it was very popular. It was Claude François with Il fait bon, il fait chaud. Mm-hmm. And actually, it's Il fait beau, il fait bon, but all right. Il fait chaud aussi. Il fait chaud aussi. Mm-hmm. And then Bobby Lapointe with L'été, où est-il? Mm-hmm. But it's a duo with Carlos. Okay. And then le grand orchestre du Splendid with À Cannes cet été. Okay. This summer in Cannes. Cannes. Mm-hmm. And Cannes, not Caen. Oui. And Cannes, that's where Adrien is right now. Exactly. And Caen is in the north. Yes, in Normandy. Yeah. So pretty different. All right, on y va? Eh bien, c'est parti. Il fait beau, il fait bon, la vie coule comme une chanson, aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon. Il fait rouge, il fait bleu, il fait du soleil au fond des yeux, quand on vit dans la vie comme des amoureux. Tu prends les nuages blancs ou gris, petits ou gros, tu les déchires en morceaux. Tu mets les orages au fond d'une cage et puis tu les jettes à l'eau. Tu attrapes au piège des flocons de neige, tu en fais des arcs-en-ciel. Tu passes sur la brume des rayons de lune, des oranges et puis du miel. Il fait beau, il fait bon, la vie coule comme une chanson, aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon. Il fait rouge, il fait bleu, il fait du soleil au fond des yeux, quand on vit dans la vie comme des amoureux. Tu joues les cigales, tu parles aux étoiles, en plein milieu de l'hiver. Tu te prends la tête dans mille planètes et tu marches sur la mer. Tu pars en croisière autour de la Terre, le long de la Voie lactée. Et tu te retrouves où l'on se retrouve quand on ne sait plus où l'on est. Il fait bon, la vie coule comme une chanson, aussitôt qu'une fille est aimé d'un garçon. Il fait rouge, il fait bleu, il fait du soleil au fond des yeux, quand on vit dans la vie comme des amoureux. Il fait rouge, il fait bleu, il fait du soleil au fond des yeux, quand on vit dans la vie comme des amoureux. Tiens, voilà la pluie. Ah, quel sale temps. Où est-il l'été? L'été, où est-il? L'averse qui tombe, il n'y a plus de saison. Depuis qu'on a fait la bombe, Albert Simon, aïe aïe, Seigneur Carlos, ma grenouille est malade, aïe aïe, pauvre Tenos, et elle n'a plus 20 ans, aïe aïe, qui est catastrophe, le soleil est en rade, elle avait annoncé. Señor Meteo, cuando dice fe bon. Señor Meteo, habla grande frigo. Ay, ay, señor Meteo, cuando mi transistor esperanza calor y la top. ¡Qué dolor! L'été, on s'enrhume facile. Et depuis les restrictions, on dort en costume de ville. Jean Breton de Venise à Vesoul. Oublions le chauffage, emporté par le fioul. Ne formons qu'un seul corps, et de Toulouse à Toulouse, aimons-nous davantage. L'amour est le seul vrai radiateur. Seigneur Météo, quando dit qu'il fait beau. Seigneur Météo, habla grande frigo. Ay, ay, señor Météo, cuando mi transistor esperanza calor y la tor. ¡Qué dolor! Madame est là, s'il vous plaît. Ah, no, la madame en la salita con el señor Carlos a bailar el cha-cha-cha. Que el cha-cha-cha es muy sabroso, señor. Cha-cha-cha, Télévision. Tu annonces la neige. Il prend ses précautions. Je mets mon bermuda. Si dans tes prévisions tu promets le soleil, je ressens mon parapluie à bois. Rouge! Seigneur Météo, quando dit qu'il fait beau. Seigneur Météo, habla grande frigo. Ay, ay, Seigneur Météo, quando mi transistor esperanza. Señor Meteo, cuando dije el febo. Señor Meteo, habla clase el frigo. Ay, ay, señor Meteo, cuando mi transistor esperanza calor y la tor. Señor Meteo, cuando dije el Quand vous recevrez ce petit billet, mon chéri, ne le flanquez pas au panier. Ma lettre vous invite à me suivre bien vite à Cannes cet été. Lorsque la croisette en grande toilette devant nous fera briller ses feux follets. Je veux que votre épaule soit contre mon épaule à Cannes cet été. Il y a tant d'étoiles sur terre et tant de fleurs au ciel. Tout ça avec vous, ça nous rendra fous. Nous irons danser et nous irons traîner en passant le temps à s'aimer. Quand vous recevrez ce petit billet, mon chéri, dites-moi que vous acceptez, puisque je vous invite à me suivre bien vite. Oh oui, venez, venez à Cannes cet été. ce petit billet. Mon chéri, dites-moi que vous acceptez, puisque je vous invite à me suivre bien vite. Oh oui, venez. KFAI is proud to present Jane Monheit at the Dakota on Tuesday, July 30th. Jane Monheit is a jazz and adult contemporary vocalist with a deep passion for the great American songbook and has released many highly acclaimed solo albums, garnering countless awards and accolades. Jane has been an extremely successful band leader with over 2 decades of international touring. She has also had the privilege of making music with some of the greatest musicians, arrangers, and producers in jazz. Tickets for the Jane Monheit Show can be found at the Dakota website. Visit dakotacooks.com for more details. Et voilà. And we're back. Indeed. Again. So, I think it's probably the phrase that I use the most. Yes, on est de retour. Oui. We listen to Claude François with Il fait beau, il fait bon. Then Bobby Lapointe with L'été, où est-il? Oui, où il est. And Carlos, mm-hmm. Carlos was singing as well. Yeah, he was actually doing most of the singing, I would mm-hmm. say. And le grand orchestre du Splendide with Akan cet été. Ah oui. And it was pretty nice, pretty smooth. Yeah. And mm-hmm. yeah. Like le grand hôtel, le grand orchestre du Splendide. Mm-hmm. So now we're going to listen to Ciné Trio. Et en fait, c'est Yann Tiersen with Contine d'un autre après-midi. Contine d'un autre été, mm-hmm. l'après-midi, and it's from Amélie Poulain. Oui. Then we're going to listen to Bruno Coulet et les petits chanteurs de Saint-Marc with Lueur d'été, mm-hmm. and it's coming from the bande originale of Les Choristes. Ah oui. And then Jeanne Chéral with Canicule. Très bien. On y va? Eh bien, on y va. brancher ton ventilateur dans le salon, c'est une erreur. L'air qu'il diffuse est si plombé que si j'abuse, je vais tomber. Pour m'aérer jusqu'à la moelle, toute la journée. À la célébration du 10e anniversaire de l'Ira Africa Festival and Pray à Saint-Paul le 4 août 2024 à Hamelin Park. Il y aura la musique, la nourriture, nos danses traditionnelles, jeux et divers. C'est la joie totale. Mais ce n'est pas tout. Avant cela, nous vous invitons aussi au 5e anniversaire du National African Leadership Conference à l'hôtel intercontinental à Saint-Paul du 1er au 2 août au 2 août pour discuter des idées et des problèmes concernant nos communautés africaines aux États-Unis. Visitez notre site web africanconferenceleadership.com ou appelez 651-646-9411 pour réserver votre place. Venez avec votre famille et vos amis. J'espère vous voir tous. Merci. Et voilà, voilà, we are back. Yes, and you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI for another 17 minutes, roughly, yeah, until roughly. Balkan Jamboree. Mm-hmm. And we listen to Jan Tiersen with Contine d'un autre été, l'après-midi. It's from Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Which is coming, it's being re-released. Oh, in theater? Yes. I think tomorrow in France, on July 24th. Interesting. Yeah. I mean, maybe not, you know, everywhere, but I don't know if it's a, restored version. I don't think it really needs to be restored. No. But I think that's good. Yeah. So that will be, that's a great film to see on a, big screen. I've rewatched it recently and it was pretty great. Yeah. That's a movie that doesn't get old. I agree. And after that, it was Bruno Coulet, Les Petits Chanteurs de Saint-Marc, with Lueur d'été, from the soundtrack Les Choristes. A very good movie. Mm-hmm. And just now was Jeanne Chéral with Canicule. Jeanne Chéral, who we had the luck to interview. Yes. And to see on stage. Yeah, and had dinner. Yeah, I skipped the dinner. Yeah, I know. No, that was really a great show. Yeah, and it was almost. I mean, that's too bad because they were just like I don't think there was even 100 people in the theater, but that felt like a private show. For sure, that was super cool. Yeah, it was indeed. So we're gonna keep on listening to music. We're gonna listen to Coralie Clément with Ces Matins d'été. Mm-hmm. Summer mornings, then April March with a song called Garçon Glaçon, mm-hmm. son garçon is boy, oui. And glaçon is ice cube. Mm. But in French, it rhymes. Ben oui. Not in English. Non. Nothing boy, but... ice cube, non. Non, non, non, it doesn't. Nothing in common. And then Richard Gottener with Soleil, fais-moi ma fête. Mm. So faire la fête to someone is... how would you say that? Like giving him a lesson? Or yeah, almost a beating. Like beat him up. Yeah, a beating. I mean, often it's also like people don't really go very far with that. They just like kind of yell very hard. Yeah. And but toi, je vais te faire ta fête. Yeah, it's more like a threat than anything else. But all right, on y va? C'est parti. Si par hasard tu me rends compte, juste au coin d'une rue, à peine émue. Et si par hasard tu te rends compte que je ne serai plus qu'une inconnue, je saurais te parler de ces chemins de pierre, des feux de cheminée, des oiseaux sur la mer. Des symphonies inachevées, des quatre mains de ces matins d'été. Si le vent nous pousse à la rencontre de ce temps suspendu et qui n'est plus, suffit-il de retarder nos montres pour que nos pas perdus dans cette rue sur ces chemins de pierre, autant des chats perchés, des jeux dans la clairière, des symphonies inachevées, des quatre mains de ces matins d'été. terrasse, qu'on me donne mes tongs, qu'on m'apporte mon string, envoyez les serviettes, faites briller les huiles, avancez ma chaise longue, je m'en vais de ce pas, m'en prendre plein la tête, c'est l'heure de la bronzette, faites sonner le gong. Soleil, soleil, viens, viens, il me frappe, viens, cogne, même en plein, vas-y soleil, tape, tape, tape, tape dans la figure, donne tes coups, vise-moi la tête, rentre-moi dans la rue, soleil, fais-moi ma fête. À l'hiver, à ce printemps pourri, seul sous mon parapluie, j'ai rêvé d'une dégelée, blanc comme un lavabo, comme je me suis langui, comme je l'ai attendu, cette déculottée, mets-la-moi ma tannée, envoie-moi au tapis. Vise-moi la tête, entre-moi dans la rue, soleil, fais-moi ma fête, soleil, fais-moi ma fête, soleil. Mes diantres fichtres bigres, j'ai le gourouin qui rougeoie, tes torgnoles hauts, cagnards, m'ont embrasé le blé. Faites gicler le gras, oh, si l'avant est ok, mets ton cas au l'arrière, oh, yeah. Fais briller ton revers, envoie un bel astre, envoie. Allez, vas-y, bastonne, envoie tes rampons, donne. J'encaisserai sans broncher tes pains comme des canons. Allez, vas-y, mon gros, cogne. Viens, soleil, soleil, viens. Viens, il me frappe, viens. Cogne, même en plein. Vas-y, soleil, tape. Tape, tape, tape dans la figure. Donne un petit coup, vise-moi la tête. Moi dans la rue, soleil, fais-moi ma fête, soleil, fais-moi ma fête, soleil, fais-moi ma fête. KFAI is proud to present Sister Strings at the Cedar Cultural Center on Wednesday, July 31st. Sister Strings, the musical duo comprising sisters Shantae and Monique Ross, create power and sonic majesty every time they bring their unique blend of classical training, soulful melodies, and contemporary sounds to the stage. Opening the show is local artist Brianna Lane. Tickets for Sister Strings can be found at the Cedar Cultural Center website. Visit thecedar.org for more details. KFAI is proud to present Los Chili Dogs and Money Chicha at the 7th Street entry on Saturday, August 10th. Get ready for an exciting night of chicha music, a fuzzed-out, reverb-drenched, and percussion-heavy style of cumbia inspired by the sounds of Peru and Colombia in the 60s and 70s. Performed by local group Los Chili Dogs and Austin, Texas-based group Money Chicha, featuring members of the Grammy Award-winning Grupo Fantasma and Brownout. Opening the show, our local group, America y los Sentimientos, and a vinyl DJ set from KFAI's Miguel Vargas. Tickets for Los Chili Dogs and Money Chicha can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. Et voilà, we're back for the last time. Yes, and so we listened to three songs. Yeah, the first one was from Coralie Clément with Ces Matins d'été. After that, it was April March with Garçon Glaçon. And the last one was Richard Gottener with Soleil, Fais-moi ma fête. And it's time to say au revoir. Yeah, good night. Good night, bonne soirée. We'll be back next week. Yes, same time, 8 to 10, if Studio it, 4. If it doesn't change, it might be a playlist about vacations. Yeah. So like beach sounds, and stuff. Sounds like a plan. And follow us on social media so you can know when the show is posted and mm-hmm. when it's coming up and that sort of things. Yes, and we're going to listen to one more song before Marcel Amon. Balkan Jamboree. Yeah, Marcel Amon with Samba d'été. And then it's going to be Balkan Jamboree. Au revoir tout le monde. Au revoir. Le soleil et la mer, le soleil et l'amour. Dans tes yeux entrouverts, des ombres à contre-jour. Des paillettes au soleil, dans tes yeux, dans la mer. Tes grands yeux.